Stanaj. Yeah. HPS production, you know. Rock and grind, pour pas son exceso. Peu de probabilité de voir tourner la veste. MC habilité à combattre la bête. Jure et fidélité à la cible. Faut que je reste, faut que je reste derrière le micro, c'est vital. Test mon crawl la man, boom, de dude. Tune après tune la man, boom, de dude. C'est de Twitchy, funky, monkey, punky. Pour le body mind, tu peux crier à l'aide. Pour le beat, big point, c'est HPS qui fournit. Quand le good boy comme in a grimy. Sur un flow, on file en avance sans vitamine. On carbure à la base, non pas la baramine. Grimy, timing, la tête sans yo. Quand la porte a de détails, on te fournit. Mon groom, on te donne des tonnes de fun, fun, fun. Tu t'étonnes, tu réchanges, te déconnes, son boy. Fini, bitchy, manon, m'arrache les MCDB découpé à la hache. Mon style est précis, jamais ne me lâche. Ma ligne de conduite, toujours attaque fidèle à la musique, c'est tout. Beaucoup de feu dans la monnaie, c'est tout. Lâche pas la tête, nous devons rester rude. Ne répondre qu'à l'appel, boy de l'underground. J'avance en chef, mi parti, que des fans de chromie. Des MC qui débitent, fond d'un système. Branche-moi le chromie, redeem, c'est parti. Mal et le monkey en sound system. Quand on kick, ça pique, ça fait boum dans la tête des banques. Maya, ça pique, ça fait boum. On est mal, on est mal dans le kill, ça fait boum dans la tête du système. C'est cric, cric, boum. Écoute la voix du MC, call me the rude boy. Sonic dans la partie, bad babylon, new die, da da da da da. Pas de bêtises dans my son boy, tu me connais. Les risques conscients dans la bouche, tu reconnais. La technique est là, le flow est bien rodé. Le public est là, les textes sont assumés. Original pour pas Sonic, c'est son rock and grime. HPS production, c'est comme une agent. Peu de probabilité de voir tourner la veste. MC habilité à combattre la bête. Jure et fidélité à la zig. Faut que je reste, faut que je reste derrière le micro, c'est vital. Test mon crawl la man, boom, de dude. Tune après tune la man, boom, de dude. C'est de Twitchy, funky, monkey, punky. Bon, bon, demain, tu peux crier à l'aide. Original style. Terre de studio. MC rim come again, yo. Poupa Sonic, c'est so a wicked combination. Hey. We'll be right back.